Vous écoutez Sergi FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon parade. Accordéon parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon, et c'est tous les dimanches de 9h à 10h avec Michel et ses amis accordéonistes. Auditrice, auditeur des 91 MHz, auditrice, auditeur de Sergi FM, bonjour. Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant. 100% de musette sur la bande FM. Et quand on écoute Accordéon Parade, on dit, eh bien, on danse au bal musette. Thank you.

Merci à Stéphane Courtois-Renou qui vient nous interpréter ce paso-doble, la fiesta espagnole. Stéphane nous vient du Doubs, de la région du Doubs, vers du Val d'Aon, autour du Val d'Aon il est. Et puis on va continuer avec Jérôme Robert qui nous dit « Eh bien Michel, aujourd'hui c'est la fête du tabac !» Allez, du rythme. Du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, les hommes, on pourra se passer. Et tape, et tape, et tape avec ton battoir. Et tape, et tape, tu dormiras mieux ce soir. Il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, les hommes, on pourra se passer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et tape, et tape, et tape avec ton patois. Ce soir. Et après Jérôme Robert, eh bien, on va écouter Pascal Terrible qui va nous interpréter la bougnatte. Thank you. Youhou! Et merci à Pascal Terrib de nous avoir emmenés en vacances tyroliennes. Et on continue avec un merveilleux tango, la Compasita. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Eh bien, les valseurs sont en compagnie de Michel, de ses amis accordéonistes qui écoutent Accordéon Parade. Une émission 100% musette sur la bande FM, c'est tous les dimanches de 9h à 10h. Michel aux commandes et les accordéonistes jouent. Accordéon Parade, c'est le plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon. La détente, la bonne humeur le dimanche matin, c'est avec Michel, c'est tous les dimanches. J'en bafouille. Car cette semaine, Michel a été accroché par beaucoup d'auditeurs, auditrices. Surpris de voir Michel. Ah, c'est vous qui faites accordéon parade le dimanche ? Et oui, c'est Michel. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, mais qui n'a pas de lunettes. Donc, comme je vous l'ai dit au cours de l'émission, Jules l'Ancien, les éditeurs ont refait un CD de Jules l'Ancien. Nous avons entendu Escamillo tout à l'heure et ils ont fait aussi également, sur l'autre face du CD, un autre accordéoniste, le Joyeux Léon. Le Joyeux Léon également vedette des années 60 en 45 tours et puis 33 tours. Eh bien, nous allons l'écouter ce dimanche matin, un extrait de ce CD, Bistrot, par Monsieur le Joyeux Léon. Le Joyeux Léon, c'était Fernand Vestrat. Allez, vas-y Fernand, le Joyeux Léon. Oh Léon ! Léon ! Oui ! Tu payes le coup ? Oui, non ! Thank you. Merci à Denis Tuvieri. Denis Tuvieri était le compagnon de Lina Bossati. Lina Bossati qui était le pianiste de Marcel Azola. Allez, on va continuer avec une merveilleuse valse. Elle va vous entraîner. Écoutez ça. Monsieur Édouard Duleux rêve d'accordéoniste. Et ça tourne, et ça tourne. Merci à Édouard Duleux, l'homme en bleu, puisque Édouard Duleux, quand il se présentait pour un gala, il était habillé tout en bleu, tout en bleu. Et qui vient nous interpréter ce rêve d'accordéoniste. We'll be right back. je veux qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour embrasser encore l'objet de nos amours. Allez les gars! À fond, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, avons avec ardeur. Au mahisson, on les voit, le ciel est pur et beau, pur et beau. Déjà la blanche étoile guide nos matelots. Ainsi parlait mon père lorsqu'il quittait le port. Il ne s'attendait guère à y trouver la mort. Par une nuit d'orage, il fut surpris soudain et jeté pour image par un fatal destin. Je l'aperçois là-bas. Je veux courir bien vite, me jeter dans ses bras. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur. Au mahisson, on les voit, le ciel. Merci à la bande à Bardet, ils sont partis, ils ont pris la mer, puisque la mer est belle. C'était Guy Bardet et son équipe. Merci Antonio Guilherme de nous avoir interprété ce merveilleux tango qui nous vient du Portugal. Allez, on va continuer avec une Java. Et c'est pas n'importe quelle Java, puisque c'est la Java des Apaches. Et c'est Gérard Gouni à l'accordéon. Son canon à bretelles, on se disait voilà l'artiste qui va nous faire des étincelles. On a mené sur la piste une fille belle à croquer. On dansait comme des duettistes, une java endiabée. Quand arrivé le samedi, on trouvait les copains dans un petit bas musette. Et pour danser la java, on mettait, je le dis, sur la tête une casquette. On dansait une javanette, toujours à petits pas. Je peux vous jurer que c'est chouette, surtout quand dans ses bras on a une cavalière qui aime bien cette terre-là et qui sans trop de manières danse la java. C'est la java des Apaches que l'on danse partout dans les petits valoyous. Maintenant on se l'arrache, mais la petite java on la garde pour nous. Et cette java, elle est magique. C'est René Groulier qui nous le dit avec son accordéon. À la page de sauvage. Tous les garçons du village sifflotaient sur ton passage. Tu rendais jalouses les femmes en mettant le feu aux âmes. Pas de fête sans ta présence semblait dire toute insistance. Viens danser la tarentelle, fais ton lacet dont nouvelle. La musique nous appelle et l'amour ouvre ses ailes. Merci à Dominique Allain qui vient nous offrir des roses de la Catalogne. Et c'est avec ces roses que je vais mettre dans l'eau que se termine l'émission d'Accordéon Parade. Présentée par Michel, animée par des accordéonistes, et c'est tous les dimanches de 9h à 10h. c'est le bonjour de l'accordéon. C'est le plateau d'accordéoniste. Et c'est une émission pour les mordus du dépliant. C'est 100% de musette sur la bande FM. À bientôt et bye bye. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est Michel en votre compagnie pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Pour commencer le dimanche et pourquoi pas la semaine. Comment allez-vous, auditrice, auditeur de Sorgi FM ? Eh oui, il fait chaud ce dimanche. Je vois que vous avez trouvé la solution pour avoir un peu de fraîcheur. Tiens, tiens, vous avez ouvert le frigo. Ça fait plus frais. Et en même temps, on peut profiter pour prendre une glace. Ouh, les malins. Et ses vacances. C'est bientôt. Oulala, je vois qu'on se prépare à préparer le barbecue ce dimanche. Oulala, ouh, et puis les frites qui arrivent, oulala. We'll be right back.

Nous étions en 1931 et c'est l'orchestre de la Boule Blanche à Paris qui nous interprétait Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, 1931. Et maintenant, maintenant, on va écouter Raymond DeVos. Raymond DeVos qui a avec lui sa belle-maman, Raymond DeVos. Ça fait partie des choses qu'on n'explique pas bien. Il y a quelques jours, on sonne à la porte de ma maison, je vais ouvrir, c'était ma belle-mère. Elle me dit, je sens que ma dernière heure est arrivée, je voudrais la passer chez vous. Moi, je me dis, une heure, c'est vite passé. Entrez, belle maman. Elle fait entrer, elle s'installe, tout ça. Pauvre belle-mère, je dois dire que je l'ai semée partout, J'ai même semé dans un champ, sans jeu de mots. Hein. Alors, en l'accueillant, je ne faisais que récolter ce que j'avais semé. Bon, enfin, alors elle s'installe, tout ça. Une heure se passe, rien. Je dis, belle maman, l'heure tourne. Elle me dit, vous êtes pressée? J'ai dit, moi non, mais vous, vous allez vous mettre en retard. Oh, elle me dit, je ne suis pas à une minute près. Alors elle chausse ses lunettes et elle se met à lire les nouvelles de dernière heure. Alors j'ai dit, écoutez, belle maman, ce n'est pas très honnête ce que vous faites. Quand on dit une heure, on s'y tient. Bah, je croyais que sa dernière heure, elle ferait 60 minutes, quoi. Une durée normale, tandis que là, elle n'en finissait plus sa dernière heure, enfin quoi. D'autant qu'elle me dit, qu'est-ce qu'on joue ce soir à la télé? Je dis, les 5 dernières minutes, belle maman. Oh, elle me dit, c'est plus qu'il m'en faut, tout ça. Elle s'installe devant le poste. Alors, quand elle a vu que c'était l'histoire d'un monsieur qui essayait de semer sa belle-mère, elle a dit, j'ai déjà vu le film. Elle me dit, de toute façon, il est temps que je passe de l'autre côté. Je dis, faites, belle maman. Elle est passée dans la pièce à côté, et puis rien. Au bout d'un moment, j'ai allumé des bougies pour créer l'atmosphère, quoi. Pour l'inciter, quoi. Alors, il y a des phrases qui vous échappent, comme ça. À un moment, j'ai dit, tiens, il y en a une qui va pas tarder à s'éteindre. Forcément, ça fait plus d'une heure qu'elle se consume. 11 heures. Vous voulez un bouillon, belle-maman? 1 heure plus tard. Et un bain de minuit bien glacé, belle-maman. Mais par contre, je fumerais bien une dernière cigarette. Oh, je dis, alors, va chercher le paquet. Alors, on lui passe le paquet, et tout le paquet, il est passé. En plus, elle fait des réflexions désobligeantes. Oh, je ne sais plus où mettre mes cendres. Moi, j'ai un cendrier, il est plein, j'ose pas le vider parce qu'on va dire encore que j'essaie de semer ma belle-mère. J'avais 20 ans, pour les yeux d'une femme, un mot d'amour faisait battre mon cœur. Pour être aimé, j'aurais vendu mon âme, et de mon sang, j'eus payé ce bonheur. Je vous voyais, mesdames toutes belles, je confondais l'automne et le printemps. Je vous croyais aussi toutes fidèles, que je voudrais encore avoir 20 ans. Je vous croyais aussi toutes fidèles, que je voudrais avoir encore 20 ans. Merci à la famille Angèle Fritz qui vient de nous interpréter la marche des instruments de bois. Chaque jour, les hommes semblent plus sourds à tous les mots de l'amour. On envoie des vœux au ciel, une fleur nouvelle vient éclore de nulle part comme un espoir. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Toujours été là. tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été on là. Dirait. Merci à Amir de nous avoir interprété « On dirait ». Et toujours à l'écoute des 91 et 91 MHz sur GFM, si vous aimez l'accordéon, vous pouvez me retrouver le mardi à partir de 10h. Autrement, le direct, le dimanche, à partir de 9h, avec Accordéon Parade. Et sur Internet, avec Popcast. La bonne humeur, la détente, c'est tous les dimanches avec Michel sur les 91 MHz sur GFM. We'll be right back.

Eh bien, auditeurs, auditrices de Sorgia FM, on va se quitter ce dimanche. Je pense que vous avez passé 2 heures à ma compagnie. Je pense que peut-être 2 heures à mon compagnie, qu'elles ont été agréables et que ça vous a changé un peu les idées. Allez, passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et bye bye, à bientôt.